sont pour dire que je ne te plais pas. Tu es mon visage, mais qu'attends-tu de moi? J'ouvre les yeux et là, je te vois dans le miroir. Tu es face à moi, mais tu fais peine à voir. Tu ne me laisses pas le temps de me retourner. Et quand je rêve que je peux faire semblant, tu me frappes et je tombe. La lumière agit sur moi. Et ne sois pas fragile comme ça. Elle me donne la force de t'effacer de moi. Je me regarde écrire, je vois ton sourire. Et tu es tous mes sens. Que veux-tu que j'en fasse? Et même si j'ouvre les yeux, tu n'es qu'un rêve. C'est ce qu'il faut apprendre à la réalité. Tu ne me laisses pas le temps de me retourner. Et quand je rêve que je peux faire semblant, tu me frappes et je tombe. La lumière agit sur moi. Et ne sois pas fragile comme ça. Elle me donne la force de t'effacer de moi. Absente pour faire ce dont j'ai besoin. Je suis ton visage et je n'attends rien de toi. Nous ne sommes que moi. Pourquoi chercher la faille alors qu'il n'y en a pas? Tu ne me laisses pas le choix. Pas naïf comme ça, elle t'empêche de...